Bonjour à tous, très chers amis, et bienvenue à FrenchPod. Pour vous aujourd'hui, une nouvelle leçon avancée. Salut Christella. Salut Amaury. Alors comment ça va? Là c'est la période de Noël, vous êtes sûrement en famille ou entre amis. Il y a peut-être des enfants dans les parages et vous aussi vous avez sans doute une âme d'enfant. Alors on a pensé à vous, on s'est dit qu'on allait vous faire un cadeau pour cette période de Noël et ce cadeau pour le niveau avancé, ça va être un conte. Donc nous allons aujourd'hui vous présenter un extrait d'un conte de Charles Perrault. Alors qui c'est Charles Perrault? Charles Perrault est un illustre auteur français, c'est un homme de lettres. Qui a d'ailleurs été élu à l'Académie française en 1671. Oui, il a vécu au XVIIe siècle. Au départ, il a une formation d'avocat, qu'il a très rapidement lassé, et donc il s'est consacré aux lettres. À sa passion, la littérature. Et donc c'est tant mieux pour nous, puisqu'il nous a offert notamment des poèmes et aussi des contes qui sont devenus très célèbres par la suite. Et l'un d'entre eux, l'un de ces contes, est un conte dont on va parler aujourd'hui, mais... on va pas vous dire ce que c'est, on va juste voir un extrait de ce conte et ça va être à vous de deviner de quel conte il s'agit. Alors est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, on écoute. En passant dans un bois, elle rencontra Compère le loup qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait, la pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui !» dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien !» dit le loup. « Je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici. Et toi ?» par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge !» dit le loup en contrefaisant sa voix. « Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ?» La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chéra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc, toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit. C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bobinette chéra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Donc on remarque dans ce passage qu'évidemment ça a été écrit au XVIIe siècle. Donc il y a des formules, des temps, des verbes également qui sont de nos jours beaucoup moins utilisés. Et je dis ça parce que si vous avez peut-être reconnu le conte dont il s'agissait, c'est peut-être parce que vous avez déjà lu une version plus moderne. Tout à fait, mais aujourd'hui on a choisi le texte originel. Comme ça vous allez apprendre encore plus de choses. On va donc commencer par le premier terme qui est compère, compère le loup. Donc cette personne rencontre compère le loup. Voilà. Et alors compère, c'est une manière d'appeler quelqu'un en fait. Ici le mot compère est utilisé comme on pourrait utiliser à la place ami ou camarade, notre cher camarade le loup ou notre ami le loup. Qui se trouve là à ce moment-là? Tout simplement. Et apparemment, compère le loup avait bien envie de manger cette personne. Alors compère le loup, hein, pas forcément gentil, hein. Mais il n'a pas osé parce qu'il y avait des bûcherons qui étaient dans la forêt. Les bûcherons, comme vous le savez sans doute, c'est personnes qui coupent des arbres, qui coupent du bois et qui transportent le bois. Et qui faisaient bien de faire leur travail à ce moment-là. Donc le loup n'a pas osé manger cette personne, n'a pas osé manger cette pauvre enfant. Cette pauvre enfant d'ailleurs qui s'était arrêtée à écouter le loup. Alors ici c'est une formule du XVIIe siècle qui n'est plus utilisée de nos jours, qui veut tout simplement dire de s'arrêter et d'écouter le loup, de s'arrêter pour écouter le loup. Ouais. Et donc cette pauvre enfant, qui est quand même un peu naïve... Naïve, innocente. Raconte ce qu'elle va faire à ce loup, et lui dit qu'elle va voir sa mère grand, qui est évidemment la même chose que grand-mère. C'est un terme ancien, utilisé pour dire grand-mère. Voilà, et elle va donc porter à sa grand-mère une galette avec un petit pot de beurre. Donc, porter ici, utilisé pour dire apporter. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle ne lui dit pas seulement ce qu'elle va faire, elle lui dit aussi comment faire pour se rendre chez sa grand-mère. Alors c'est quand même fort, elle lui donne des indications, elle lui explique tout et elle lui dit « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » Quand même bien innocente la jeune fille. Et elle dit donc « Par-delà le moulin ». De même ici, c'est une expression ancienne qui est utilisée pour dire « Au-delà de après le moulin ». Ouais, elle devrait lui donner les clés en même temps, ce loup. Je pense aussi. Ou une petite carte. Voilà, au cas où il se perdrait. On dirait que le loup prend bonne note de toutes ces indications, puisqu'il dit « Mais finalement, je veux l'aller voir aussi. » « Je veux l'aller voir aussi, ta mère grand. » Donc, « Je veux aussi aller la voir. » Ici, la structure est différente. C'est le pronom qui est mis avant le verbe et non après le verbe, comme on le fait de nos jours en français moderne. Oui, donc en français moderne, on dirait « Je veux aller la voir aussi. » Exactement. Mais ici, c'est « Je veux l'aller voir aussi. » Et donc il lui indique le chemin qu'il va prendre et il lui dit « Je m'y en vais par ce chemin-ci ». Et donc de nos jours, on dirait plutôt « J'y vais par ce chemin-ci ». On a encore une formule ancienne ici. Et ça sonne encore plus poétique d'ailleurs. C'est vrai. Donc il est tellement pressé. Il veut tellement aller voir la mère grand de cette personne, de cette jeune enfant. Il court de toute sa force. Et donc, à cette époque-là, on disait « courir de toute sa force », alors que maintenant, l'expression courante, et qui est encore très utilisée, c'est « courir de toutes ses forces ». Voilà, donc c'est au pluriel. Ouais. Ça a changé. Apparemment, à l'époque, on avait une force, de nos jours, on en a plein. On court encore plus vite. Donc notre brave loup, peut-être qu'il a de bonnes intentions, en fait. Qui sait ? Il arrive à la maison de la mère grand, et il heurte, il frappe. Toc, toc. Qui est là ? Dit la grand-mère, qui ne se doute de rien. Alors, le loup, il contrefait sa voix. Il dit « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. » C'est comme ça que tu fais le loup, Christella ? C'est comme ça que j'essaye de faire une grosse voix de loup qui essaye d'imiter la voix d'une jeune fille. D'accord. Donc, c'est pas facile, Amory. Je te demande un peu de compréhension. Donc, le loup, il déforme sa voix en essayant d'imiter la voix de la petite fille. Donc, il contrefait sa voix. Et on dirait que la grand-mère y croit. Et donc, elle veut l'aider à ouvrir la porte. Malheureusement, elle ne peut pas, puisqu'elle était dans son lit, parce qu'elle se trouvait un peu mal. Et elle lui dit la formule très célèbre, qui est connue de tous de nos jours. « Tire la chevillette et la bobinette, chéra. » Amory, non, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. C'est bien du français. C'est juste que « chevillette » et « bobinette » ne sont plus du tout utilisés. Ben non. De nos jours, vu que c'est un système ancien de serrures, et de nos jours, on a des serrures modernes. Oui, puisque la chevillette et la bobinette sont deux pièces en bois qui composaient des serrures de l'ancien temps. Et l'une ne va pas sans l'autre. Voilà, donc pour ouvrir une porte, le système de loquet fonctionnait ainsi, il fallait tirer la chevillette, la première pièce. Et ici, le verbe qui est utilisé pour dire tomber, c'est le verbe choir. Oui. Mais il est utilisé au futur, et ça donne donc chéra. Mais rassurez-vous, pas besoin de le retenir, étant donné que c'est un verbe qui est très peu utilisé de nos jours, en dehors de l'expression laisser choir, on n'utilise presque plus. Donc si vous voulez, vous pouvez retenir la formule tire la chevillette, la bobinette chéra. Et vous pouvez aussi la réutiliser de manière totalement impromptue, comme c'est le cas parfois, je me rends chez des amis, je frappe à leur porte, et ils me disent, en plaisantant, « Tire la chevillette, la bobinette, chéra !» Et notre loup, ici dans le conte, a très bien compris, puisqu'immédiatement, il s'exécute, ouvre la porte, se jette sur la grand-mère, et la dévore en moins de rien. Alors, en moins de rien. De nos jours, on dirait « en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ». Oui. Ou très rapidement, tout simplement. Mais ici, il dit « en moins de rien ». Donc c'est un laps de temps encore plus court que 2 minutes ou 2 secondes. Ouais, mais normal, il n'avait pas mangé depuis 3 jours, le pauvre. Ah, d'accord. Tout s'explique. Donc il avait une faim de loup. Ouais. Comme il sait que la petite fille est toujours en chemin, vu qu'il est arrivé le premier et qu'elle, normalement, elle va bientôt arriver, notre loup, qui est loin d'être bête, ferme la porte et va se coucher dans le lit de la grand-mère. Et là, suspense. Que se passe-t-il ? La petite fille arrive. Elle frappe à la porte. Le loup lui dit « Tire la chevillette et la bobinette, chéra. » Le petit chaperon rouge tire la chevillette et la porte s'ouvre. Mais que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, on ne sait pas. Nous avons décidé de nous arrêter ici. Par contre, il vous est possible de retrouver le conte auquel ce passage appartient et à partir de là, de découvrir la fin. En attendant, on va réécouter notre extrait du conte. « En passant dans un bois, elle rencontra Compère le loup qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui !» dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien !» dit le loup. « Je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici. Et toi, par ce chemin-là. Et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge !» dit le loup en contrefaisant sa voix. « Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ?» La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chéra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc, toc. Qui est là ? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit. C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix. Tire la chevillette, la bobinette chéra. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Alors, vous avez trouvé ? Toujours pas ? Je suis sûre que oui. Vous continuez à chercher, sinon. Si vous avez trouvé, venez sur le site frenchpod.com et dites-nous ce que vous pensez que c'est. En tout cas, ce conte dont on parle aujourd'hui est tiré d'un des principaux recueils littéraires écrits par Charles Perrault, qui s'appelle « Les contes de la Merlois » ou « Histoire du temps passé ». Et donc, c'est les contes de la Merlois, pas « oie » comme l'animal, mais « oie » comme... la nourrice qui raconte les histoires aux enfants. Car en fait, Charles Perrault a écrit cette série de contes dans un but éducatif. Donc, il y a toujours une morale. Nous, on n'a pas mis la morale, parce qu'on pense que vous pouvez déjà la deviner, vu à quel point notre cher personnage, la jeune fille dont il est question dans ce conte, est innocente et naïve. Et juste une toute petite anecdote sur le fait que Charles Perrault ait décidé d'écrire des contes. C'est comme on l'a dit au début, il était avocat, puis il s'est tourné vers sa passion, la littérature. Il a été aidé car il travaillait pour Colbert, un des ministres de Louis XIV au XVIIe siècle. Malheureusement, à la mort de Colbert, Charles Perrault a perdu tous les avantages qu'il avait, puisqu'il s'entendait très bien avec Colbert. Il a aussi, comme on l'a dit, il avait été nommé à l'Académie, il a perdu sa place à l'Académie. Et donc, il a décidé de se consacrer à l'éducation de ses enfants et il s'est demandé comment. Et un des moyens qu'il a trouvé fut d'écrire des contes. Il faut le remercier quand même, ce grand monsieur, parce que nombre de ses contes sont de nos jours vraiment très connus et je dirais même sont gravés dans l'inconscient collectif. Même en dehors de la France, oui. Voilà, par exemple, des contes tels que Barbe Bleue, La Belle au Bois Dormant, Cendrillon, Peau d'Âne, Le Petit Poucet sont vraiment très connus et sont une véritable source d'inspiration et aussi une méthode d'éducation pour de nombreux enfants dans le monde. Ouais. À tel point que Walt Disney a adapté certains de ses contes et en a fait de très beaux films. Très beaux dessins animés, oui. Voilà. Et nous avons été très contents de vous présenter ce conte de Charles Perrault. Voilà, on est très contents, très fiers et on en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Très bonnes fêtes à tous. N'oubliez pas de venir nous dire si vous avez trouvé le titre du conte présenté aujourd'hui. Donc, venez nous voir sur frenchpod.com. Dites-nous si le conte vous a plu aussi ou quel est votre conte préféré. Ou si vous voudriez qu'on en présente un autre. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos suggestions, on sera ravis de les entendre. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour la prochaine leçon avancée qui sera en 2009. En 2009. Très bonne fête à toi également, Christella. Très bonne fête à Maury, bonne fête de fin d'année à tous. Salut à tous. Au revoir.